opération. Allez, mon Javert. Ils font les plans de salon raciste, gamme de jet. Éléphant du fils du ministre, gamme de jet. Ouais, ouais. Le plus petit est chef de famille, gamme de jet. Tu vois, non. On dit c'est cher, tu dis on n'est pas assis. Gamme de jet, c'est gamme de jet. C'est comme de l'eau, non. Arrête de conjuguer mon moco, c'est gamme de jet. Gamme de jet, mon écho, c'est gamme de jet. C'est gamme de jet, ça valait beaucoup pour rien, c'est gamme de jet. À force de calculer l'oseille, y'en a plus oreille, y'en vend le way. Je dépense mon argent comme je le sens, je veux pas ton avis, ferme ta bain. Tu rappes fort, je rappe doucement, je roule en GL, la Merco Bain. Je chauffe ton cœur, je sais. Tu es, tu es, allez là. Je suis les plus chocos entre tous, ils ont les flots trop agricoles. On parle de rap, tu parles de diploma, il faut partir à l'école. On veut me faire passer pour le méchant, ok, j'accepte ton rôle. T'as tapé poteau sur Sephora, avec le jet t'auras Carole. Gamme de jet. C'est gamme de jet. Éléphant du fils du ministre, gamme de jet. Ouais, ouais. Le plus petit est chef de famille, gamme de jet. Tu vois, non. On dit c'est cher, tu dis on n'est pas assis. Gamme de jet. C'est gamme de jet. C'est comme de l'eau, non. Arrête de conjuguer mon moco, c'est gamme de jet. Gamme de jet. Mon égo, c'est gamme de jet. C'est gamme de 10 000. Ça parlait beaucoup pour rien, c'est gamme de jet. You know jet? No. What is that? J, l'argent, l'argent. L'argent. In French, yeah. The J. You don't know the J? No. You want to see the J? The J? Yeah. Yeah. You have some J? Ah, you want some J? Yeah. Ah, okay, some money. Yeah. Y'a pas de choix, y'a pas de choix. Le rap ivoirien à gauche, moi j'avais lié à droite. Et de quelle concurrence tu parles? De mes petits enfants là? Dans ce style, le complot. Rap, on dirait c'est dicté. Co ici dans la maison, donc mon rap est casanier. Ouais. Conspiration imbattable, tu défends, te follow sur Insta. Bête de scène évidemment, c'est moi Javelli la rockstar. On a pas à pour avoir nos billets, si t'es contre de nous t'es grillé. Sur un truc je serai jamais plié, mon côté est brillé. Je vends mon terrain en costard. Gamme de jet, c'est gamme de jet. C'est comme de l'eau, non. Arrête de conjuguer mon moco, c'est gamme de jet. Gamme de jet, mon écho c'est gamme de jet. C'est gamme de 10 000. Parler beaucoup pour rien, c'est gamme de jet. Gamme de jet, c'est gamme de jet. Apoujou skinny, c'est gamme de chair. Laissez les pourboires, c'est gamme de restaurant. Viens doter ma fille, c'est gamme de beaux-parents. 250 000 le shoot. T'as pas le jet, prends ton portable. T'as pas l'un pour boire qui règne. Mais que fais-tu de l'eau potable? Humilité de Jean-Louis Pillon. Par les milliards, par les millions. Beaucoup d'argent dans la jeunesse. Le cerveau de Fabrice Aouignon. Allô, t'es où? C'est pour poser question. Je suis le guépard dans la course, personne peut me mettre la pression. Velle, calamar. Donne-moi 100 000, je te donne demain. Gamme de prêt, gamme de prêt.